La música en francès, la protagonista amb aquest espai. Hola, la music, al vostre costat, en Rafael Corbí. Comença ara aquesta aventura musical de gairebé 60 minuts que ens porta a la música en francès. Avui començarem ressaltant algunes cançons d'un artista nascut el 26 de febrer del 1971 a França, Hélène Aurora Alice Rizzo, més coneguda amb el seu nom artístic de Hélène Segarra. Una cantant francesa que va agafar una forta personalitat musical, sobretot a través del seu paper d'Esmeralda, el musical de Victor Hugo, Notre Dame de París, o El Jorobado de Notre Dame. Una excel·lent obra que varen poder veure en directe a Cannes i que va triomfar arreu dels països de parla francesa, i amb ella també la música d'aquesta cantautora francesa. Com gairebé tots, la seva ascendència era d'italià i d'Armènia. Va viure la seva infància a Sisfort-de-Splash, un poble del departament de Var de la Provença, Alps, Comte d'Azur. Va deixar la casa dels seus pares a l'edat de 16 anys per a mudar-se a París, on tindria el seu primer fill com a mare soltera. Avui recordem cançons d'aquesta excel·lent intèrpret. Aquest va ser un dels seus grans èxits. Je vous aime, adieu, us estimo, però adéu. Je veux garder ce feu qui loin de vous me survivra. Je vous aime vraiment, mais je peux pas rester là. Le monde est tellement grand que je m'y perdrai dans vos bras. C'était écrit ce qui se passe entre nous. On rêvait d'infini, mais c'était pas pour c'est écrit, mais face au tout. Dites-moi juste oui, je m'en remets à vous. Ouh, je vous aime, adieu. Un extraordinari artista amb una gran veu és la que ens acompanya en el programa d'avui. Amb la idea de dedicar-se a cantar, l'Helen es promocionava actuant en bars de la Costa Blava per poder mantenir el seu fill. De tornada a París amb el seu fill, va anar a la cerca d'un productor, trobant amb el seu camí el productor musical Orlando, el productor de Dalida. Ella va firmar el seu contracte amb la condició de preservar la seva independència. A l'agost del 2003, després de molts anys soltera, Helen Segarra es va casar amb Ajaccio, amb Mathieu Lecat, fill del periodista Didier Lecat, amb el qual va tenir dos altres fills. Els èxits van arribar a poc a poc amb Jouer à mes dies, aquesta cançó, L'estimo però adeu, single senzill extraït tant del seu primer àlbum Cor d'Or del 1996 i el duo amb Andrea Bocelli, que ara escoltarem Vivo per lei, Je vis pour elle, Vivo per ella, Visca per ella. Després d'aquest àlbum, l'Helen va aconseguir el paper d'Esmeralda amb el musical Notre Dame de París, Nuestra Senyora de París, que dèiem, compost per Luc Piemondon, basat en l'obra de Víctor Hugo. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle nous dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours. Est una musa che ci soffrire un po', ma almeno io vivo. Je serai perdu sans vivo elle. Per lei dentro gli hotel. Je suis triste et je l'appelle. Vivo per lei nel vortice. Attraverso la mia voce si espande. comme celle de milliers de gens. Mais voilà, c'est mon histoire. Et bien sûr, c'est différent. On essaie, on croit pouvoir oublier avec le temps. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Forse non sei stato mai il presente che vorrei. E sbagliavo a fare tuoi quei progetti solo miei. Ma ho imparato a dire no all'illusione che ci sei. Per vivere il ricordo che ho di noi. Aquest és un dels grans èxits de l'artista que ens acompanya al començament del programa d'avui, l'Helen Segarra, i ho és amb un duet amb Laura Pausini, una de les grans cançons que va triomfar càrrec del seu tercer àlbum que es va llançar al mercat discogràfic Omen el 2003. Va tenir una etapa força dolenta aquesta artista que avui escoltem i de la qual sentirem una darrera cançó, aquesta pujada, aquesta anada cap al cim de la carrera artística va començar visiblement amb la seva participació en el seu festival, però va ser víctima d'un quist a les cordes vocals i de manera repentina en la presentació de l'espectacle Notre Dame de París a Canadà va perdre la veu. El seu productor va intentar fer tot el possible per recobrar, per tornar a obtenir el contracte, però els especialistes li varen dir que l'Hélène no tornaria a cantar mai més. Contra tot pronòstic, ella va lluitar i una delicada operació li va tornar la veu i la seva carrera, i després va preparar el seu segon àlbum en nom d'una dona, el 2000, que va ser un gran èxit també a França, guardonada amb els discos d'or, platí i diamant. Després va llançar el seu tercer amb aquest tema que hem escoltat, un àlbum de grans èxits amb algunes cançons inèdites, una de les quals escoltarem ara mateix, i després un altre àlbum, Quan l'Eternité, el 2006 i el 2008 i el 2011, dos àlbums més, i després una participació el 2014 prou interessant amb la cançó Memory amb Il Divo. Ha estat un repàs a Hola la Music a Hélène Segarra, G. Tamerlan. Je t'aimerai jusqu'à muser le cœur. Je t'aimerai jusqu'à crever en laissant nos lueurs, jusqu'à ce qu'il ne me reste ni fierté, ni pudeur, ni même un petit geste pour essuyer mes pleurs. Je t'aimerai pour te faire oublier tes solitudes et face au monde entier, être ta certitude pour croire une dernière fois qu'un bonheur existait, même s'il meurt chaque fois que tu oublies de m'aimer. Pour que la sans passer des mots purs plein la voix, jusqu'à ce qu'il ne me reste ni liberté, ni choix, ni même un petit geste pour m'éloigner de toi. Pour que la dernière qui brûle dans mon cœur me prenne ma sans laisser ta douleur. Tu vois, je t'aimerai comme on n'a plus jamais, lorsque tout est perdu, quand on a tant aimé que rien n'existe plus. Je t'aimerai jusqu'au dernier regard, en t'offrant de tuer mon cœur d'un au revoir. De mon au revoir. La música i la companyia de l'Hélène per començar el nostre programa. És el torn de l'Àngel Rodríguez, el nostre col·laborador habitual, que ens porta la seva recomanació per al programa d'avui. Hola, Rafael. Avui us proposo una cançó alegre sortida la primavera de 2017. Porta per nom Moi et Mère Toi, de l'artista Vianney. Aquest personatge va néixer a l'Occitània, a Pau, Pau, en francès, ciutat coneguda també pel seu castell, que bonic que és el castell de Pau, o de Por, com vulgueu pronunciar-ho. Va néixer l'any 1991 i als 24 anys ja li va ser reconeguda la seva vàlua amb el trofeu Victoires de la Musique, una mena de premis Grammy, però de la música francesa. Escoltem a Vianney, Moi, Aimer, Toi. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Et moi. Dadadum. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Aquí hem tingut aquesta col·laboració de l'Àngel Rodríguez en la música d'en Vianney, Vianney Vaux, així es coneix aquest artista nascut a Pau i que ens portava aquest Moi et toi, que ha estat un dels grans èxits més actuals de la música en francès. Un altre dels protagonistes que avui repassarem amb el nostre programa, en Gerard Lenormand, és l'artista que avui ens portarà alguna de les seves cançons, nascut a Calvados el 9 de febrer del 1945, aquest cantant que va néixer al Château de Venouville i que estava dirigit per monges, aleshores, que rebien a dones joves amb problemes. Aquesta sembla que en tenia, perquè tenia 16 anys quan va donar llum amb aquest castell a Gerard. La música que ens acompanyarà avui és a càrrec dels seus grans èxits, uns èxits que van esdevenir-se, com en el cas d'algun altre artista prou conegut, després de tenir un accident de trànsit molt, molt important que el va fer estar gairebé un any immobilitzat i que va començar a compondre cançons aleshores. Aquí escoltem aquest artista que va començar la seva carrera pràcticament el 67-68, quan va conèixer Brigitte Bardot, en qui va escriure dues cançons. Després va començar a tenir èxits en cançons com el Toi, amb una comèdia musical, amb el Hair, o per exemple amb aquest tema del 1972, que eren Els matins d'hivern. de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée. Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de poule de neige en riant. Nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait. Nous retrouvions chaque jour notre place et l'on ne pouvait plus se parler. Puis bercés par les vagues d'une douce chaleur que nous prodiguait le vieux poêle, nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs vers des plages où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer sans songer à l'école en pleine liberté. Sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver. Je me souviens de l'odeur fade et chaude de notre classe calfeutrée, des premières lueurs pâles de l'aube à travers les vitres givrées. Je revois les yeux tendres et les visages tristes qui autour de moi écoutent. Et pendant les leçons, dans mon coin, je rêvais à des îles où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer sans songer à l'école en pleine liberté pour així està aquesta excel·lent cançó, així està ben feta, així està ben portada i molt ben cantada. Gerard Lenormand, un artista que ens acompanya amb les seves cançons en el programa d'avui també, després de que ho ha fet l'Helen, ara toca el torn d'escoltar les seves cançons. Va anar triomfant en diferents temes a partir d'aquell any 1972, cançons com El petit príncep l'any 1973, Quelque chose de moi el 1974, Si j'étais président el 75, o per exemple L'Enfant de Catedral al 1977. Cet enfant-là n'était pas de son siècle, celui des stades et des discothèques. Dans les églises, il aimait se cacher, pas pour prier, mais pour chanter. Il attendait qu'il n'y ait plus personne. Il s'asseyait près du grand harmonium et il jouait d'un doigt hésitant, sans savoir le cœur battant. Là il a

c'est l'auto, j'ai gagné le grand prix, le lolo, chérie. Mamie c'est belle, joue le sentimental, ça très normal, je l'embrasse doucement. Lui dis désir, plaisir de mes nuits, allons au lit doudou, en nous, en nous. Et DJ répète du jack, et boum boum jack pour du zouk. Loup correct, j'attaque et pour le souk brac. Mon regard sur la chabine au fond de la salle, me lèche les babines et la chaleur s'installe. Moi pas qu'à flairer parce que moins trop fier collé. Serré la mise, laisse tomber ses paupières serrées. Elle a grillé la bosse dans mon pantalon. Vasilino, c'est bon, bon, c'est plus qu'un désir. Je ne sais plus trop quoi penser quand je vois un Bouddha bien roulé. Avec ma tchatche de malin, j'ai enchaîné des tifous naisseux jusqu'au matin. Mon corps était serré, moi t'es qu'il a dansé. Aquesta era la col·laboració de Ciril Torres i a la recta final del nostre espai ens queden pocs minuts que cobrirem, que escoltarem en diversos artistes, en cançons diferents i en projectes com el d'aquest 2014 en Le Fat Artifice de Calo Guero, que ens porta La Voix à Musique. Son père ne voulait pas qu'elle fasse de petits pas. Chassé ou entre chats, qu'elle devienne petit rat d'opéra. Elle a vu une magique petite boîte à musique, une danseuse mécanique. Elle s'inventait des spectacles uniques. Oh, comme elle s'envole, comme elle décolle. Volte. François Hardy, amb una altra de les seves cançons, també ens acompanyarà la cantant i actriu francesa nascuda a París el 1944. Dans le mal qu'il a pu me faire, mais c'est lui que j'aime. Je me rappelle aussi tout ce que j'ai déjà souffert. Je veux qu'il revienne pour ne plus avoir à souffrir. J'ai cru qu'il valait mieux partir. Sans lui, j'ai trop de peine. Je veux qu'il revienne. Je veux qu'il revienne. Oh, oh, oh, oh. Qu'il m'a dit, mais c'est lui que j'aime. De toutes ces filles que l'on a pu voir avec lui, je veux qu'il revienne. Je suis prête à recommencer. Puisqu'on dit qu'il a des regrets, puisque c'est lui que j'aime, je veux qu'il revienne. Música segueixen la protagonista amb el nostre programa, Olala Music, i a partir d'aquests moments cedim el testimoni durant uns minuts al nostre programa amb un vell conegut de la ràdio de casa nostra i bon personatge de la ràdio europea molt conegut. És el nostre amic Hamid, que cada setmana també ens aportarà una de les seves tries, un gran personatge i molt proper també a la música del món i a la música francòfona. Bienvenue Hamid, què és votre choix? Le choix, c'est un peu intéressant dans le sens que nous avons une collaboration entre la France et le Mali. Et évidemment, le producteur-chanteur Mano Chao, qui est là avec le couple aveugle du Mali, Amadou et Mariam, et la chanson, c'est Sénégal Fast Food. Thank you. fast-food Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairek, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y'attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast-food Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Au Mali, quelle heure est-il au Paracinéma? Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il au Paracinéma? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. Aquesta ha estat la companyia d'en Hamid a la recta final del nostre espai amb aquesta presentació d'aquest tema. No tenim temps per més, hola la music. Patricia Cas ens porta un tema d'amor per acabar. Chanson de Mou Passini, així s'anomena. A reveure. Avec le cœur à marée basse, avec un talon qui se casse, avec des gestes maladroits et des sentiments bien à moi, avec des plages en promenade et des nuages de limonade sous les tilleuls, comme il disait Arthur Rimbaud, poète français. Avec la passion sur la bouche, avec nos sexes qui se touchent, avec des frissons de mystère, des retrouvailles à la frontière, avec des wagons d'inquiétude au fond d'une gare de solitude, je te demande pardon d'avoir écrit une chanson d'amour pas finie.